dernier signe, j'avance dans la nuit. Le temps du choix arrive enfin. Le premier-né portera la marque du refus dressé contre ta main. Mais dans les maisons marquées du sang, la mort passera sans entrer. Car l'obéissance ouvre une porte que nul décret ne peut fermer. Quand ton avertissement résonne, la grâce prépare déjà l'issue. Quand le sang parle sur nos portes, la mort n'a plus d'autorité. Quand l'obéissance devient refuge, le jugement est détourné. Quand le sang parle sur nos portes, la nuit ne peut plus nous garder, car la délivrance est à l'eau. Pour ceux qui ont choisi de croire.